De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Sur Fadjet, régulièrement, Noémie nous revient en studio pour nous parler de communication entre les uns, les autres, que ce soit la famille, le boulot. Pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages de la communication. Parce qu'on ne se rend pas compte des fois à quel point une réaction qu'on peut avoir à quelqu'un peut être, avoir un effet complètement négatif. C'est ça, on veut être plutôt aidant et puis en fait chez l'autre ça va créer plutôt une frustration, une déception, voire une colère. Donc ces petites maladresses, si on arrive à les identifier, on peut peut-être en faire un peu moins. L'idée, c'est vraiment pas d'être parfait tous les jours, on est d'accord, mais avoir quelques petites points de vigilance, ou alors si ça a dérapé, en fait, j'ai fait un message risqué, a posteriori, je m'en rends compte, et on n'est pas des surhommes, on n'est pas des bouddhas, ça peut arriver. Et les messages risqués, tu nous en avais déjà un petit peu parlé, mais il y a beaucoup à dire sur cette question. Ouais, la dernière fois, je vous avais parlé du fait de minimiser ce que vivait l'autre, d'enquêter sur sa situation ou de ramener les choses à soi. Aujourd'hui, on va s'imaginer que Nina arrive à la machine à café de Fadjet. Oui. Et elle est en pleurs et puis elle dit mon mari et moi ou ma partenaire et moi, on se sépare, je suis triste comme tout. Elle est dévastée quoi. Ils sont 4-5 autour et chacun vraiment n'a pas choisi la bonne réponse. Voilà, alors, imaginons Yves. Oui, moi j'arrive avec mes gros sabots. Voilà. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu pourrais bien dire à Nina qui pleure? Allez, un perdu, 10 heures trouvées. Voilà. Donc ça s'appelle philosopher, faire des phrases toutes faites. Et Nina se sent pas forcément accueillie dans sa tristesse. Bien sûr. C'est comme si elle pouvait switcher en une demi-seconde tout ce qu'elle vient de vivre, tout le choc émotionnel qu'elle a eu en prenant cette décision, tout le deuil qu'elle doit faire maintenant. Donc c'est vraiment pas aidant parce que la personne, elle est dans sa souffrance, elle est dans son émotion et lui demander d'en sortir comme ça en rigolant, c'est risqué. Ça peut fonctionner, ça peut faire un petit sourire vite fait, mais c'est pas interdit, ça peut fonctionner, j'ai dit. Les messages risqués, c'est risqué quand l'émotion est très forte. Et autour de la machine à café, il y a aussi François. Voilà. Alors lui, il arrive, il dit « Oh, ne sois pas triste !»« Ne sois pas triste !» Et bien là, on est en train de bloquer le ressenti de l'autre. C'est super important, surtout avec l'approche communication non-violente dont je parle, d'être dans l'accueil de l'émotion sans la juger. Donc oui, évidemment qu'elle est triste. Mis à part des situations particulières où peut-être ça peut la soulager aussi d'avoir pris la décision. Et puis ça peut voisiner la tristesse et le soulagement. On a dit que les émotions peuvent cohabiter. Elle ne se sent pas accueillie. Donc, on n'est pas en train de l'aider. Veillons à ne pas bloquer le ressenti d'une personne et à l'accueillir. En fait, souvent, ça nous met mal à l'aise que quelqu'un soit triste en face de nous parce qu'on est démuni et on a besoin de solutions, on peut avoir besoin d'efficacité, etc. Et c'est difficile pour nous d'accepter ce côté démuni. Mmh. Et c'est en nous, en fait, que ça se passe. Donc, si on est OK d'accueillir la tristesse de l'autre, en fait, ça se passe bien. Et on a aussi Marion autour de la machine à café qui nous dit, tu sais, mon frère, aussi, il a divorcé l'an dernier. Ouais. Et il va très bien aujourd'hui. Voilà, et c'est peut-être mieux comme ça. Bah oui. Et voilà, et quand on fait ça, on fait une sorte de diversion. L'humour aussi, c'est une sorte de diversion. C'est parler des autres, faire un parallèle avec les autres. La personne, elle n'en est pas là, quoi. Vous, ça vous fait écho quand vous l'écoutez, ça vous fait miroir, ça fait écho à des choses autour. Mais elle, ça ne l'aide pas à aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment l'idée à la place de ça. De philosopher, de bloquer le ressenti ou de parler des autres, d'écouter, d'être dans l'empathie. Donc avec votre corps, votre regard, vous vous connectez à l'autre. Et aussi, on peut faire des hypothèses j'imagine que tu es triste. Il y en a qui vont dire, oui, évidemment, je suis triste. Oui, ça peut être une évidence, mais tu dois être découragé, etc. On peut émettre des hypothèses sur ses émotions. Et si on n'est pas à l'aise avec cette démarche-là, on peut dire, je ne sais pas quoi dire. Si on ne sait pas quoi dire, c'est OK de dire ça. Ou j'aimerais bien pouvoir t'aider, mais je ne sais pas. Ou si je peux faire quelque chose, dis-le-moi. Là, on ouvre la porte et on accueille aussi, nous, notre propre malaise. On est déstabilisé aussi par la nouvelle. On n'est pas obligé d'être solide à côté. On peut aussi être ému et en résonance. Et donc, on peut aussi émettre des hypothèses. Est-ce que tu aurais besoin d'aide? Tu as besoin de souffler un peu? Et puis, des fois, les gens, ils ont besoin de travailler tout de suite. Ils ont besoin d'être dans l'action. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou émettre des hypothèses sur les besoins. Ça va aider l'émotion à redescendre encore plus vite et à ce que l'autre se sente accueilli et considéré dans ce qu'il vit. Parfait, déjà on offre un café à Nina. Voilà, juste prendre le temps et des fois, juste un silence habité, c'est très très bien. Merci Noémie. Tu nous parleras de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on revient dans notre super triangle de Karpman. Comment on fait pour responsabiliser une victime? Parce que la victime, elle nous entraîne aussi dans un jeu de pouvoir et des fois, les victimes ont beaucoup de pouvoir sur nous. Merci beaucoup, Noémie. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.